L'air baisse tout jour, n'aï ver d'autre part, pichote flou. D'une des garrigues outiques disques de ton enfance, vole les montagnes des sèves d'un volcan alvencha. Dans les bras sans estac d'une parla et les passants, dans les promesses d'auvin, et l'idée qu'est-ce maille douce dans la débute des autres que dans les bras d'au patient. Mimosa pudique et meilleur ou escondue des vistes et des dires qui t'aisare l'ombrune de l'aubre vieille, qui t'aisare l'ombrune qui t'estouffe, perd des bras embellis ou t'es le soulet ou tu stans. Autre part est tout joue maille tu cousses. Autre part est tout joue maille douce, que les pays le ruffe de la vie de cada tchou tchou tchou. Chote flou, crée sud d'eau bétume, veillem, belem, beléo, essaye tout sous des pastels. Pichote flou, des bars et des castels, né issu d'une joue d'imisué des castagnes. Aïe patin la marune des mourelles, aïe mimaï le gousse juste de la mourume. Gousse qui mouère à l'ombrume moderne, si où l'homme est démoura des mourets pour signe. Pichote flou, des saladelles, au calabrune, t'y venu qu'à sa ma belle. A quel ibar jacaïre, ou beau parla, d'y pra maï vert. Mais si ou l'ouraille de la lune, si est régine de la férune, des luens, son cassaire et des mantunes, des mouerillés ou Saint-Jane et l'oreille des tu lune. C'est l'ancien de la sorte, pour y aller ce silence. Sa valisca et les salastres, estre ici, mon poumas recandescansi. Pichota flumai, l'ombre les codes que fugisses. Tant gardade d'hiberis au seu de ma gagne, et d'aussi catamou que n'est-ce pas que tu cueilles une serre, pertile sa tombâtre et que l'eau doudou se s'en va. Et souvent les fleurettes qui s'y sont mis en flirtade accabouent un bouquet et met d'autres flous secs. Quand quitte ses amours vers une herbe maille verte, dis une bras, il vient pas. De la férune, si un les âmes de la marune, les aigues de la palune, les anges de ses parades, c'est que pareil ce masque, si un lise séparade, blague de sa majesté des muscles, tiès regine de luz, ti rei de gaire pucia, l'enfant de montaizun, enfin l'aire de tu, li reire separen d'aqueste paraulo fusco sun lise separalu, senza parar de mo que nei sun di mabuco. Testa cordura de seda, terra veus e testa secca, l'esperma dura la lingua, di la selva pa de decca, ma man come la lecca delle, e di mon cuor pausica de mo, disun parla delle, sur le rei de la luz. Souverain des saupus, ancien saberu que saupus, Kunta, les estelles. Péri des gigants, quand papa ou dans l'endemain, a reçu une enfant batte ou sans vélo. Et ça vit pas comme fa sans elo, est-ce comme perdre sans boulot sans allo, est-ce comme perdre la vie sans perdre ma fortune sur des camintoires. Et alors dis mon quoi, y'a plus gaire d'humain. Vio fugilige, di mei suoi passo l'utten, e si o più rei dei rei, anzi s'acaba mon can. Si è o rei della luna, si è reine della ferune, si è les âmes della marune, les aigues della palune, les angi de separade, se che parei se masque, si è lise separade, plague de sa majestà dei musco. Si è regine de luz, ti o rei de gaire pucia, l'enfant de montaizun, enfin l'aire de tu. Li reire separen d'aqueste paraulo fusco sun lise separalu senza parar de mo che nei sun di mabuco. Parli d'omo de malengo, de tu che taluences, di freme valente de mo de la mu che value ogni netta fagen li maletto. Pudem partire se strinciaie o puli de sigen leste, fo che più re nous arreste. Dis une chale nu siao la calou de Cayenne, la luce égyptienne ca erimino comme père oublida. Dis une somical en que sia elimina. Dis une chapelet missus et pas télévisa. Sian les raies de la reine transforma en bétu. Pour rien partie et sympathie, un sens sans se perdre des temps vieux et sympathie. Pour rien suffisant, ma en pratique. Parlant d'homme que nous tanque, veillo que m'estaki, de tu que t'escapes. Vestiré même raloutin que l'iré d'itaco. Si l'homme a dit mille tout, aïe mille temps, pas ça aimé tu. Si es regine de l'iscla, y poupe l'isque, si es ma calypso. Per les mains passées ritant d'anciens, per ton avere tes yeux, y a guéritant fait, fa guéritant quand la moudé l'huen des temps anciens, et si au purin de tout, vique si au purin de tu. Si es le rei de la lune, si es reine de la ferune, si es les âmes de la marune, les aigues de la palune, les angi de separade, c'est que pareil se masque, si en lise separade, y plague de sa majesté des musco. Si es regine de luz, ti o rei de gaire pucia, l'enfant de montaizun, enfin l'aire de tu. Li reire separen d'aqueste paraulo fusco sun lise separalu, senza parar de mo che nei sun di mabuco. de gent che sabon come lo tempas e io va sabi pa come le tempeste passano sulla vita e io va sabi trop. Sai pa o es de dire tem fages pa. La de gent senza betan come d'argent senza busse sian ensen. Es che la de sen se encare che sian da che li gent senziao. Faut qu'il m'invagissio, per tourna comme un magicien. Quand signe cette signe de you, so prascution. Et les gars comme sien, là aura plus de tempest, ben ton sein. Reste ben comme siès, faut qu'agir sien fisance comme notre ifem, per 300 ans. Les nouvelles de ce fille loin, la vie de simple des camps et rien l'enfant. T'espéritan, comme que la calme vengesse d'in ton esperi. Et qu'esperi, c'est le camp de ton corps ferri. Et mille flou par verre, ton sourire, comme les amis fans. Passa ma main sur ta gaute fresquette, comme les gens de la moufan. Si en tu es yéro en sain, légende, une légende d'un curassan. Respire la terre des canons, partirai mes démités, baïdes, senaï la lente. frega Santa Rita, aviva il dedica. Quelli passa li culo, e la classe la culo. Si vuole du mio della Cristo. Mena nira. L'idée se passe à l'Uma, ouais c'est pas vous, pareil c'est pas un tau, si au tourmentau. Thank you. saison. Ça mérite une route aussi que c'est longue, par naquer au fond de la douce, la goutte douce que des dînes s'y viennent toutes les douces. بسوري يا عين بسوري في مليون نفس بعتمة عيوني عم تشكي من سواد النور في حلم مطمور ومصطبة وزوار عم بيرستوا ماضي الأيام الجاية بسوري يا عين بسوري Mérites une race belle ou un qui je te sers. Trombarai l'oussam et t'as perlo sul cuisi. Tu encara fazzun e un desperi ai si. Che l'oussam i j'arriben caparisca t'un sen. Eu vendrei un gazza. Din tus yeux une mirale, une rebat mon retrats. Tu n'es mi corporal, tu m'barrei di conti in dita grande spirala. Te benrei un gazzan din gindar en badal. Tu n'iris me farà dintra din tu nastrado. Tu n'est il lumen tien vendrà la dan balando. Vaki, l'uten di somia passant. Espérirai que la passe sous tout temps brisée à nous là. Verrai les rétrains d'aura. S'espérirai d'il y va d'une amie ou ainsi. S'arrêt une joue à campa. Respirerai. E l'aurò di tempo passà. Se tu une draille pulita, tu mon amiga précise lega. Vive la vita bord des liga. Oh, passe lì la mamma un cuore d'incisa. Cacciai le damare in cara decisa. Menva o enfo. Tu non mi attira, vischeri un pa in van, un mute non miro. La bute mi calmo, che ho ne perdi munito, a chiedere membri di dulce via. A che la vita un giusto resto, è strangele. Agi de tende vaghe su miado, agi de tende l'unde scafe mi piado. Sen fin d'enfant, sen van vivu, sen van esbru. Sun pichun de san besai pas un desen, sen van sen bru. Un desen disren, sen jiden, sen brulot, ti vueli tu. Un desen existo pa, en fin, existi pu. Ai de sau di me sau me, de san de faune, de sau pu. De centenau, de centau, remoir que maurien defendu. Si o parau le dor, parli pare, que star testar descendendo par la mu. Esten que star parlant d'armadu, pa d'armadure, parli l'âme pure, ma lengue dure. Tant vivo t'a convaincu. Est-ce qu'un sensus lingue fuste crèze. Est-ce qu'est-ce loup par la gus. Fatus loup faux. Est-ce fous qu'en va. Est-ce faux. Est-ce fray. Y'a maïk est so. Qu'est pensi qu'a bien crèze aigu. Femme des feux. S'en fait un fi. Est-ce van faux falou. Verbellus. Faux des feuilles. Fous que des rimes. Juste per pas perdre l'us. Est-ce l'espère qu'est ma permesse. Dis l'air masse des séfoirs patus. Est-ce impresse des traces. La moire qu'est dit mon quoi tu. Seu leão de. La megelade et la mangina de l'ugibre, sta comme il abre mon pitre et sabre sous tous les cadets. Mi brègue liura, goutte de vida. Che dégueule les gusti, sieu, yeu, l'odio e la faula. E la faute che brûle, e la fan s'enfile, la fan s'enfile per li dire tant. Sieu l'outen las, che passa l'è. Un tema in vent, dégain, li va, detrace les vents, che l'ouvain d'hiver s'y lève, s'y lava ma parola lourda. Missio nega, dis une dourgue sec, senti des gouttes. Un angimitou, che a l'un, ce la pousse, che mon bouffe, sa mousse, escuta. Ma langue s'engane des routes. C'est où la fruche pouillie de la lutte perdue de d'aqueste époque. L'eau rouille des loups et la lune a lu que l'eau pousse et juste. C'est où la juste luce escouta. Capiti pu des dormis, et piti pu, et pieta pu, capissi pu des mourir, des cours et font rire. Capiti pu d'espace à la main qui mon coeur si tant que tant. L'opus de la reine, l'opus tu l'as de la poste. Où est-il la pousse, poudre à la bouca. Langue morte, esprit brut. L'être mute, les ça brûle à l'us à Lucas. La gide est tout sous dit mon quoi sous. Si ou ça d'où même va au couma, laisse-moi rompu, laisse-moi au gué. Tu sens ce qui va au hake moun des cinq coulous. Perdi l'espère caille, père que nous saille. Espère est-ce qu'on est, et l'espère tu l'as. Si ou l'aspré la y presse. Quitte le monde endormi et quitte tout à miette, je lus capris si tu démonises, quitte à des sourires et capite, pu dépasse à la main et mon coeur, c'est stack tant. Éveil ici, soit au bourrin d'un pivet ou de la nuit, la sète ivresse, par les ours crémades et la rose d'estieux, que va tomba. Ma fèbre, partirin de vers l'adré d'une lampe, qu'as acquis, kumako, que si faux anana. Quand sera mort, m'entorore, olpi. Senti de caminho. l'une des huiles dans mon débris. Toi et mes amis, un grand des flots pasidants. Père, les maîtres sur ma tombe, un teva ou des mouras, tout saoulé. Il y aura des fruits de poune en l'élevage. Si les vada là au final, et ça la l'aube du monde est peu perdu. Ça la vengue l'outen de l'île où y'a tant. Et des mondes omitant au monde où t'es même beau des gains y va. Si la jalousie et maille la moule, la moire et la rosie, la racine d'Artémise et la feuille d'anis. Si on nous saoulait au démangagne, qu'est-ce qu'un gars, c'est des toits, c'est du jamin, qu'est-ce qu'un car, c'est sa fondre infime. Ça la y bénit au maille, mais qu'une libre et sainte, jamais vie, aucune bataille. Ma parole est ma vie, de la vie de tu veux, je serai là, il est ainsi.